Pourquoi t'avoir laissé toute seule cette nuit? On s'est disputé, oui je sais. Je n'avais pas le choix. Je reconnais avoir aussi sale caractère. Avoue que tu m'as obligé de fuir. Est-ce que tu m'aimes encore? Dis-moi tout, tout, tout. Est-ce que tu m'aimes encore? Yeah, yeah. Est-ce que tu m'aimes encore? Oh, oh, dis-moi tout. Est-ce que tu m'aimes encore? Je t'attendrai, je serai un peu. Si t'as quelque chose à me dire, je t'écouterai. Oui, dans mon cœur, il y a encore du chagrin. C'est que l'amour que j'ai pour toi a tout changé. Est-ce que tu m'aimes encore? Oh, oh, oh, oh, dis-moi tout. Est-ce que tu m'aimes encore? Je t'attendrai. Too.